Il y a vraiment des choses intéressantes dans cet article-là qui m'ont amené une question. Je me ferai pas d'amis avec ça, mais je la pose pareil. Permettez-moi une courte introduction, sinon on va me faire arracher la tête. On dit souvent des politiciennes, quand c'est une femme, qu'elles ont des qualités uniques à elles, qu'elles sont plus sensibles, plus conciliantes, plus honnêtes. Moi, j'en finis plus de voir des gens dire « Ah, une telle, vu que c'est une femme, est meilleure. » Puis bon, mais personne s'en scandalise. En voyant que Mme Beauchamp, visiblement, à la lumière de ce que vous avez dit et dans votre article, elle a eu peur. À un moment donné, elle a paniqué et elle a eu peur. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux servi par un homme, ministre de l'Éducation? Eh bien, avec, je vous dirais une chose. Vous avez vu ce que ça a fait? La loi, ça n'a pas fait peur. La loi 78. Mais ils l'ont pas appliquée. Qu'est-ce que ça a fait? Ça devait régler la question. Mais ils l'ont pas appliquée. Vous avez vu, après la loi, quand on les a pris de front, ça a dégénéré. Alors, c'est de ça aussi qu'elle avait peur, elle. Mais une chose est certaine, c'est que Mme Beauchamp a des qualités exceptionnelles. Oui, mais elle a eu peur. Qu'on souhaite pour des politiciens. Mais elle a craqué. Mais le problème, c'est que le rapport de force, la politique, c'est un rapport de force. Oui. Quand je dis que la politique, c'est un, qu'en politique, il faut avoir l'instinct du tueur, c'est vrai, et ça, on va pas changer ça du jour au lendemain. Il faut pas avoir d'état d'âme. Et elle était en empathie. Voilà, et moi je suis le premier à dire que oui, il y a des qualités intrinsèques aux femmes et qu'on en a besoin en politique, mais si on est capable d'avouer ça, il faut aussi ajouter qu'il y a des qualités plus présentes chez les hommes et on en a besoin. Et je parle d'une certaine fermeté, une pointe. Quand Mme Beauchamp dit, je suis scandalisé de voir des policiers dans l'université, moi c'est pas les policiers à l'université qui m'ont scandalisé, ce sont les apprentis terroristes cagoulés, masqués, qui menaçaient. Moi quand j'ai vu la police arriver, j'étais content, mais là on fait appel à l'ordre, à la punition, à quelque chose d'un peu... À la discipline, ça, c'est plus masculin. Ça nous prend ça aussi en politique. Oui, mais je vais vous dire une chose. Madame Beauchamp avait compris quelque chose. C'est que nous sommes une société démocratique. Et qu'on a une conception de l'université. Que peut-être certains étudiants n'ont pas, que peut-être certains professeurs n'ont pas, mais en tout cas, que l'université, c'est un lieu de haut savoir et c'est un endroit sacré comme une église. Et vous savez très bien que les policiers n'entrent pas dans l'église. Et bien, ça a la même valeur symbolique. Mais les policiers vont rentrer dans l'église. La journée qu'il y aura des fous dans l'église, la police va rentrer. On n'a pas le choix. Oui. J'ai déjà vu la police rentrer dans des messes de l'église. On dérape complètement là, quand on parle comme ça, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Non, mais de toute façon, moi... Qui menace et qui veut prendre en otage des gens dans une église, on va rentrer dans l'église. Mais ce que je vous dis, c'est on n'en était pas là. C'était pas ça, là. Non, mais moi, je veux pas qu'on fasse de guerre de sexe, parce que, regardez, ce qui est arrivé, là, c'est que les lois n'ont pas été appliquées. Puis c'était qui était le responsable de la sécurité publique? C'était pas une femme. Non, mais c'est un homme féminisé. On peut jouer longtemps à la guerre des sexes. José, la crise du printemps arabe et l'entrevue de Mme Bombardier, fort intéressante avec Mme Beauchamp, prouve que la société est rendue féminisée à l'extrême, notamment à l'Assemblée nationale, et on a manqué de masculin un peu pendant le printemps arabe. Jusqu'à maintenant, ceux qui s'en sont mis plein les poches devant la commission Charbonneau, c'est tous des hommes. Il n'y a pas de femme là-dedans qui est venue dire qu'il avait touché des commissions de 30%. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les hommes sont des voleurs au Québec, que tous les Québécois sont des bandits et que si vous leur donnez la possibilité, ils vont tous vous voler les fonds publics? Je crois pas ça. Je crois que la majorité des hommes au Québec, c'est pas des voleurs, c'est pas des bandits, comme les femmes. Alors donc, il faut faire très attention quand on fait des catégories. Vous savez, la vérité n'est jamais dans le noir ou le blanc. Même si j'ai fait une émission qui s'appelait Noir sur Blanc à l'époque et qui m'a valu beaucoup de succès. Non, mais je pense que moi, je veux le mélange. Mais je trouve qu'actuellement, le balancier penche trop d'un bord. Vous avez parlé de plein de mots de conciliation, de naïveté. Ça, c'est pas des valeurs qui sont négatives. Je trouve ça correct. Mais il faut, dans la société, avoir aussi l'ordre, la discipline, la fermeté. Oui, mais il y a des femmes, femmes qui sont capables de faire ça. Oui, vous avez raison. Est-ce que vous pensez que... Assoyez-moi devant des étudiants qui vont rire de moi dans ma face. Vous allez voir comment ça va réagir. Alors, vous allez voir comment je vais réagir. Denise Bombardier, ministre de l'Éducation, on a la solution. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci pour le débat. Au plaisir, au revoir. Au plaisir, au revoir. 8h48. Non, mais moi, j'ai honnêtement allumé là-dessus, puis je veux pas aller à l'extrême. Je pense que Mme Bombardier est assez ouverte pour entendre les arguments, mais capable de se défendre. Le printemps est rare. Nous a démontré une société québécoise féminisée à l'extrême, incapable d'avoir des couilles, puis de mettre le poing sur la table. Et sais-tu quoi, José, avant même, il y a des femmes qui en ont des couilles. Tu me suis, là? Mais je parle de principes, de valeurs. Les seules valeurs qu'on a vues pendant le printemps érable, c'est l'écrasement devant les étudiants, devant la force, la menace. On s'est écrasé, on a voulu jaser, discuter, on a braillé. On n'a pas besoin d'une ministre de l'Éducation qui braille. On a besoin d'un ou d'une qui est capable de mettre le point. T'imagines-tu Lucien Bouchard pendant le printemps érable? Il l'a dit, il dit jamais me sera assis avec la classe, moi. Ça aurait été dehors. Moi, aller jaser avec ceux qui veulent jaser. Mais Lynn Beauchamp, elle a négocié avec la classe, il riait dans sa face. J'ai hâte de voir ça au sommet qui s'en vient. Et que j'ai hâte de suivre ça. Ouais, 8h40.